Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le procès de Klaus Barbie à Lyon en 1987. Hier, nous vous avons raconté la traque de l'ancien nazi retrouvé par le couple Klarsfeld. Aujourd'hui, nous vous racontons l'aboutissement de 16 ans d'efforts et d'abnégation pour que comparaisse devant l'histoire et devant ses victimes le chef de la Gestapo de Lyon. Tout procès est le cadre de plusieurs décors et de plusieurs actes. Ce n'est pas du théâtre, mais c'est un rituel. Concernant Barbie, il y a eu l'acte de l'instruction, bien sûr, entamé dès son retour en France en 1983. Il fut long, fastidieux, parfois douloureux, mais indispensable pour ouvrir avec sérénité ce procès historique. Il y a eu le temps de l'avant-procès, du débat public. On a écrit des articles, on a convoqué des intellectuels, on a diffusé des sondages. Chaque camp a profité de l'effervescence pour avancer ses premiers pions, ses premiers arguments. Il y a ensuite le procès, la scène principale que caméras et micros ne peuvent fouler. Mais là, exceptionnellement, et grâce à Robert Badinter, on a filmé ce procès entièrement comme celui de Nuremberg en 45 et 46. C'est pourquoi nous avons décidé dans ce récit qui va suivre de nous focaliser sur ces 37 jours d'audience. Un récit qui représente un résumé court, incomplet, subjectif de ces heures de procès. Nous avons voulu rester au plus près des témoins pour que leurs propos résonnent encore. Certains sont terribles, insoutenables, c'est pour cela qu'ils permettent de mesurer l'étendue du mal et qu'ils sont l'implacable reflet des crimes contre l'humanité pour lesquels Klaus Barbie a été jugé, dont la rafle de l'Union Générale des Israélites de France, celle des enfants de la maison Bissieux, la déportation de près de 650 personnes, juives ou résistantes, ou les deux, lors du dernier convoi parti de Lyon le 11 août 1944. Pour en parler, nous recevrons Serge Klarsfeld, historien, avocat. Il fut l'un des avocats du procès et protagoniste essentiel avec son épouse Béate de la traque de Klaus Barbie. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Léa Dupouy-Henquin et Ida Bory. Programmation musicale Thierry Dupin, comédien Philippe Pirard. Réalisation Joseph Caraballona, Coyen Guyenne et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Mehdi Fattah, Anthony Thomasson. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Lundi 11 mai 1987, Lyon, Palais de Justice. Dans la salle des pas perdus, devenue pour l'occasion le cadre immense du jugement d'un homme et par lui de toute une idéologie, près de 800 journalistes s'installent. Ils viennent en majorité d'Amérique, de RFA et de Grande-Bretagne. Pour la première fois en France, on juge un homme, Klaus Barbie, pour crime contre l'humanité. De 1942 à 1944, à Lyon, il a fait régner l'ordre nazi, l'ordre de la terreur. Tu ne penses pas comme moi, ou tu es mal né, je t'élimine. 45 ans plus tard, Barbie comparaît devant un tribunal qui est aussi le tribunal de l'histoire. C'est ce temps écoulé qui donne toute sa force à ce procès. Il est un combat contre l'oubli, ce deuxième crime contre la mémoire des victimes. Il est un voyage vers un passé que la plupart des journalistes, jurés et avocats n'ont pas vécu. De la Seconde Guerre mondiale, ils connaissent les tenants et les aboutissants, bien sûr. Mais au procès, ce savoir-faire laisse à la parole des survivants une catharsis tellement salutaire et au passage, un antidote puissant aux tentations négationnistes. La mémoire s'invite alors dans les pas de l'histoire. À côté des témoins sur les bancs de la partie civile, 39 avocats prennent place. Eux aussi ont dû rouvrir leur manuel d'histoire, les cartons d'archives, démêler le vrai du faux. En face d'eux, un homme seul attend l'arrivée de son client. C'est Jacques Vergès. Énigmatique, iconoclaste, ancien résistant, il est devenu avocat combattant de l'oppression coloniale. Il a milité contre la guerre d'Algérie, a défendu des militants indépendantistes. Ensuite, ce sont les flashs des photographes et les soubresauts de l'opinion qui ont guidé ses combats. La défense de Klaus Barbie lui apporte les deux. En fin de matinée, tout est prêt. À 13h03, le président Serdini entre, s'installe et dit ces quelques mots. Mesdames, messieurs, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Sous les crépitements des flashs et le regard des caméras autorisées exceptionnellement à diffuser ces premières minutes, Klaus Barbie apparaît. Il descend les quelques marches et s'installe auprès des deux traductrices. Témoin anonyme de cet instant historique fondu dans la masse des journalistes présents, je me souviens de cet instant si particulier. Sous nos yeux, à quelques mètres de là, se tenait un homme devenu d'un seul coup incarnation du nazisme. Cette horreur que nous ne connaissions jusqu'alors qu'à travers des photos sur les livres d'histoire, les documentaires de la télévision, les films, souvent très beaux, sur la résistance. Ce vieil homme aux traits anguleux, c'était lui, le boucher de Lyon, le témoignage encore vivant de la barbarie nazie, cette histoire qui hante notre génération, qui pourtant ne l'a pas vécu. Alors, imaginez pour ces victimes encore en vie, en 1987, vertige. Tous les Français en âge d'avoir vécu cet événement en direct se souviennent aussi de cette question qu'ils n'ont pas arrêté de se poser dès lors que le procès de Klaus Barbie était annoncé. Va-t-il encore nier ses crimes? Ou au contraire, va-t-il demander pardon? La première journée du procès observe le rituel classique de chaque procès. Il est construit autour d'étapes préliminaires comme la composition du jury. Là, il y a 4 femmes et 5 hommes. Le plus âgé a 51 ans, tous les autres sont nés après 1940. Puis vient le temps du premier interrogatoire. Le président demande à l'accusé de se présenter, nom, prénom, date de naissance. Barbie répond qu'il s'appelle Klaus Altmann. Il reconnaît être né en 1913 en Allemagne d'un père portant le nom de Barbie. En vérité, avec ses premiers mots, l'accusé annonce sa stratégie de défense, la fuite. Un comportement qu'il connaît bien depuis la capitulation d'Allemagne. Barbie, c'est pourtant son nom et ce sont les crimes attachés à son patronyme qu'on juge. Et la liste est longue. L'acte de renvoi d'accusation fait 600 pages. Alors à tour de rôle, 2 greffiers se relaient. L'exposé des faits débute ainsi. Inculpé de crimes contre l'humanité sous les qualifications d'arrestations illégales, détention, séquestration de personnes avec torture corporelle, assassinat et complicité d'arrestations illégales, de détention, de séquestration de personnes avec torture corporelle et d'assassinat, enlèvement, détournement et déplacement de mineurs. Inculpé supplétivement de crimes contre l'humanité par complicité d'assassinat et par enlèvement de mineurs de 15 ans et suivi de mort pour certains. Faits et procédures. Puis c'est le profil de l'accusé qu'on passe au scanner. De son enfance jusqu'à son adhésion au parti nazi, de la naissance de ses enfants à sa promotion au sein de la hiérarchie jusqu'à sa nomination à Lyon comme chef de la section 4 de CIPU SD, chargé de la lutte anticommuniste, de la lutte anti-sabotage, de la lutte anti-juive. Sa biographie est un condensé d'une Allemagne qui s'est jetée dans le vide. Il poursuit sa vie en homme libre dans le Berlin des Alliés où il travaille pour les services secrets américains. Puis, dès 1951, en Amérique latine, où il entame une vieillesse tranquille en Bolivie jusqu'à son extradition en 1983. Lorsque le président du tribunal aborde l'épisode de ses derniers instants d'homme libre, Klaus Barbie l'interrompt. Oui, car il souhaite lire une déclaration à la cour. Je voudrais vous dire que je suis citoyen bolivien. Et si je me trouve aujourd'hui présent ici, c'est parce que j'ai été expulsé illégalement. C'est pour ces raisons que je n'ai donc plus l'intention de paraître devant ce tribunal. Et je vous demande, Monsieur le Président, de me faire reconduire à la prison Saint-Joseph. Il y a 40 ans, à Lyon, au siège de la Gestapo, il était impossible de se soustraire à un interrogatoire. En France, aujourd'hui, c'est un droit. Ce qu'il a toujours refusé à ses victimes, Barbie l'utilise désormais à son profit et sans vergogne. À 16h04, il quitte le procès. Des journalistes, dont Ladislas de Hoyos, l'interpellent dans les couloirs du palais. L'homme se répète. Qu'à cela ne tienne, les journalistes ont leur séquence, la défense a son coup de théâtre. À 20h, le départ de Barbie fait l'ouverture des journaux. Ce départ, cette désertion, était-elle prévue? Ça y ressemble. À la sortie du palais, c'est vers Jacques Vergès qu'on tend les micros et l'avocat jubile. Sans Barbie, une partie de la presse décide de prendre elle aussi la fuite. Beaucoup attendaient la scène du bourreau face à sa victime, quelque chose de shakespearien, raconté, raté. Mais est-ce là l'essentiel? L'objectif de ce procès n'est pas seulement de juger un homme, mais de se plonger par le récit de ses actes dans l'impensable, dans ces années où en Europe, pour certains hommes et certaines femmes, comme le disait Primo Levi, l'avenir se dressait devant eux, gris et sans contour, comme une invincible barrière. Pour eux, l'histoire s'était arrêtée. Du 20 mai au 15 juin, des victimes de Barbie racontent tour à tour et l'histoire redémarre. L'un des crimes contre l'humanité jugés concerne la rafle du 9 février 1943 au 12 de la rue Sainte-Catherine à Lyon. C'est le siège de l'Union Générale des Israélites de France. Pour beaucoup, le GIF est un refuge où l'on distribue vivres et secours. Mais ce jour-là, il est un piège pour 84 personnes. Des premiers témoins, dont Léa Katzweiss et Eva Gottlieb, âgées respectivement de 16 et 21 ans à l'époque des faits, racontent cette dernière journée à l'UGIF. L'arrivée de la Gestapo, le tri, les premiers coups, les cris, l'attente, insoutenable. Victor Soulapeur était là également. Nous étions donc là-bas sur place, mon frère d'un côté, moi d'un autre, et subitement, j'ai vu rentrer des gens en civil, crier très fort en allemand, revolver en poing, Hände hoch, qui veut dire main en l'air, Gestapo, mettez-vous de côté. Et évidemment, c'était une terreur, parce que nous savions, et la plupart des personnes qui étaient sur place comprenaient ce qui pouvait leur arriver. Et on m'a pris les papiers, on m'a mis de côté, on était deux ou trois qui avions des cartes d'identité de non-juifs. Et ensuite, je suis parti. Mon frère, il est resté. Il a été déporté à Auschwitz avec tout ce que cela comporte comme malheur. Et quand je suis venu à la maison, j'ai dit à mes parents, moi je suis là, mais mon frère, il ne reviendra plus. On a fait la prière des morts. Et, excusez-moi. J'ai pris mes parents, mes sœurs, et on est reparti à Chambéry parce que je ne pensais pas que la destinée pouvait me sauver une deuxième fois. Ces faux papiers ont sauvé Victor, son frère, lui, n'en avait pas. Le 24 mars 1943, tous les raflés de la rue Sainte-Catherine sont embarqués vers Auschwitz. L'arrivée dans ce camp, c'est Lina Mias qui en parle en fin de journée. Lui est arrêté en juillet 1944 rue Victor Hugo par Klaus Barbie lui-même. Il avait 20 ans. C'est désormais un homme qui semble aussi vieux que l'accusé. Il tient fortement la barre. C'est comme s'il se battait avec ses souvenirs enfouis. Il raconte son arrestation, son incarcération à Montluc, puis la vie hors du temps, hors de l'humanité, à Auschwitz. Il se rappelle les premières minutes, l'ouverture des wagons, puis le tri. Ceux qui ont survécu au voyage ont désormais une chance sur deux de survivre selon la file où on les jette. Ce jour-là, c'était celle de gauche qui était synonyme de sursis. Et Lina Mias a eu, si l'on peut dire, cette chance. Le lendemain, la journée est tout aussi éprouvante, mais tellement utile. Dans la salle, aucun chahut, aucun chuchotement. Ce 22 mai, quatre femmes, sans emphase et avec les mots justes, nous entraînent dans les salles de torture de Klaus Barbie. Vers 15h, une petite femme de 86 ans, cheveux blancs, robe élégante, arrive à l'aide de sa canne en haut des marches. Elle s'appelle Lise Le Sèvre. Elle est une ancienne résistante. Lorsque le président lui demande si elle veut s'asseoir, elle dépose sa canne, reste debout solidement accrochée à la barre. Son calvaire a débuté le 13 mars 1944. Alors, le lendemain matin, j'ai fait connaissance de Barbie. Il était 10h du matin, on m'avait décrit le bonhomme, si bien que je n'ai eu aucune peine à le reconnaître. Barbie était toujours armé d'une schlag et frappait sur tout ce qui était à sa portée. Et quand il n'avait personne à frapper, il frappait ses bottes. Si bien qu'on l'identifiait quand il arrivait, parce qu'on entendait les craquements de fouet qu'il donnait sur ses bottes. Barbie était un sauvage, je ne saurais jamais assez le répéter. Le soir, à minuit, j'ai eu la baignoire. Barbie, quand je suis entrée dans la salle de bain, Barbie était là, qui surveillait les robinets. La séance a commencé, une grande brute me pinçait le nez et une autre, avec une vieille boîte à biscuits rouillés, j'avais remarqué la boîte, Ils m'ont entonné de l'eau dans la bouche ouverte, puisqu'on me pinçait le nez, j'étais obligée d'ouvrir la bouche. Ensuite, les poings serrés, elle décrit les tortures, la salle de bain, cette pièce qui fut son quotidien. Attachée nue, elle y recevait les coups de schlag des mains de Klaus Barbie. Après 19 jours de calvaire, elle quitte Lyon pour les camps allemands. Son mari et son fils y sont également. Jamais, ils n'en reviendront. Simone Lagrange est la dernière à parler ce jour-là. Certains la connaissent, elle était présente sur le plateau d'Antenne 2 le 8 février 1972, lors de la diffusion de l'interview de Klaus Barbie en Bolivie. Elle est arrêtée avec sa mère le 6 juin 1944, le jour du débarquement en Normandie. Son frère et sa sœur ne sont pas avec elle. Elle avait 13 ans, c'est cette petite fille qu'on entend en écho au loin. On a attendu environ un quart d'heure, et puis la porte du fond s'est ouverte. Barbie est rentrée dans cette salle. Les petites filles à cette époque avaient des cheveux très très longs, et c'était aussi mon cas. Mes cheveux étaient enroulés dans une résille. Barbie a tiré sur la résille et mes cheveux se sont écoulés sur mes épaules. Et à ce moment-là, il a roulé mes cheveux dans sa main et il a tiré de toutes ses forces et j'ai pris la première paire de claques de ma vie. Et puis ça a continué. Il m'a frappée en posant toujours la même question. Il demandait l'adresse des enfants qu'on ne pouvait pas lui donner. Vous savez, avec le recul, on se pose des questions. Comment un homme comme ça pouvait-il s'attacher à la recherche de deux enfants uniquement au point de martyriser une troisième gosse? Ça, c'est vraiment insupportable. Je dois dire que il arrivait avec son sourire mince comme ça, comme une lame de couteau. Il me posait la question et il me frappait. Il me frappait à coups de poing, à coups de pied. Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine refermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours environ, cette petite sérénade. Le premier soir, il m'a ramenée à la cellule lui-même. J'étais en sang, j'avais la figure enflée, pleine de sang, les cheveux collés. Vous savez, quand on a les cheveux très longs, ça colle et à la transpiration et au sang. Il a appelé ma mère, de nouveau sur le pas de la cellule, et il m'a jeté contre elle en disant « Voilà ce que tu as fait de ta fille ». Ensuite, ce sera Auschwitz. À la fin de la guerre, Simone reviendra, seule. À l'extérieur du prétoire, chaque jour, un huissier fait la navette entre la cellule de Barbie et le tribunal. Chaque matin, la réponse est identique. Barbie ne veut pas assister au débat. Qu'à cela ne tienne, son absence libère la parole. Au 11e jour d'audience, la prison de Montluc est de nouveau au centre des débats et on plonge un peu plus dans l'horreur. André Frossard, journaliste, écrivain, dépeint la folie, par exemple, d'un soldat nazi à Montluc contre un autre homme, juif, celui-là. J'ai commencé à comprendre alors vraiment ce que c'était que le crime contre l'humanité par l'exemple d'un détenu, un juif, qu'un sous-officier avait pris comme tête de Turc et auquel il avait enjoint d'apprendre la phrase suivante « Le juif est un parasite qui vit sur la peau du peuple aryen et il faut l'extirper ». La phrase était à apprendre en allemand et il ne parlait pas l'allemand. Chaque syllabe lui posait une difficulté qui lui valait, bien entendu, à chaque fois des coups de poing et des coups de pied dans le ventre. Puis il avait fini par apprendre tout de même la phrase en entier, à force de coups, et il la récitait de lui-même. Et le jour où on l'a emmené pour le fusiller avec d'autres otages, le même sous-officier l'a obligé à répéter une dernière fois « Le juif ». Est un parasite qui vit sur la peau du peuple aryen et il faut l'extirper. Et il l'a récité. Et à mon avis, le crime contre l'humanité, c'est cela. C'est d'abord de tuer quelqu'un pour le seul motif qu'il est né, qu'il est venu au monde. Il n'y a pas d'autre grief contre lui. Il est venu au monde contre la doctrine. Il n'a pas le droit d'exister. Mais il faut encore que cette mise à mort soit précédée d'une tentative d'humiliation, d'abaissement, d'avilissement de la personne. André Frossard reste 8 mois à Montluc, de 1943 jusqu'à l'arrivée des Alliés. Il est l'un des 8 rescapés de ce qu'on appelait alors la baraque à juifs de Montluc. Mercredi 27 mai, 13e jour d'audience. La cour aborde l'un des dossiers importants du procès, la rafle de la colonie d'Izieux. C'était le 6 avril 1944. Ce jour-là, à 9h, à bord de camions réquisitionnés, des soldats débarquent, armes à la main. 44 enfants et 17 membres du personnel d'encadrement sont raflés. Le soir même, Klaus Barbie envoie un téléx à Paris pour faire part de sa prise. 9 jours après la rafle, les enfants et leurs accompagnateurs partent vers les camps. Léa Feldblum est la seule rescapée. Elle a accompagné les enfants jusqu'à Birkenau. À la question « Qu'est-il arrivé aux enfants ?» à leur arrivée, elle répond sans retenir ses mots « On les a brûlés ». L'émotion est également au rendez-vous lors de la déclaration de Sabine Zlatine. Quand elle s'avance à la barre, elle porte une forme de culpabilité. Elle a le regard sombre. Pourtant, c'est elle qui a fondé ce refuge à Izieux avec son mari. Mais le jour de la rafle, elle était absente. Alors bien sûr, elle est encore vivante, mais c'est auprès d'eux qu'elle aurait voulu être. Elle ne comprend toujours pas pourquoi ils sont partis, pourquoi les avoir raflés, eux. Elle le dit à la Défense et à cette chaise vide, celle de Barbie. Je vais vous dire à la Défense de Barbie que Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire les ennemis de l'armée allemande. Je demande les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants? C'était des maquisards? Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents! Face à tous ces témoignages, Jacques Vergès, l'avocat de Barbie, ne dit rien. Les jours passent, les témoins défilent. Si ce sont les mêmes mots, les mêmes chemins empruntés de l'arrestation à la déportation, chaque parole, chaque parcours reste unique. Il n'y a que le sort qui est identique, cet implacable plan de destruction d'un peuple. Comment ont-ils pu passer entre les mailles du filet? Ils ne se l'expliquent pas. Ils savent juste qu'ils emportent le poids, celui d'avoir vu et d'en être revenu. C'est ce que confie Elie Wiesel, l'écrivain prix Nobel de la paix, ancien déporté, lors du 15e jour d'audience. Le 3 juin, la Cour évoque pour la première fois le convoi du 11 août 1944, le dernier convoi de déportés en partance de Lyon. Parmi eux, près de 650 personnes, hommes, femmes, enfants, juifs ou résistants. Pendant 12 jours, le train divague, change d'itinéraire pour trouver un chemin vers les camps en Pologne. Malgré l'avancée des alliés, coûte que coûte, Klaus Barbie n'a pas voulu quitter Lyon sans finir le travail d'anéantissement qu'il avait entamé ici. Si tous ne se souviennent pas de sa présence sur le quai, un téléx, en revanche, est signé par sa main et envoyé quelques jours après le départ du train l'atteste. Le 5 juin, pour la seconde fois depuis le début du procès, le président du tribunal contraint Klaus Barbie à être présent. Lorsqu'on lui demande une réaction après l'audition d'un témoignage, il répond les mêmes mots « Je n'ai rien à dire ». Les jours qui suivent, la parole est donnée aux témoins d'intérêt général. On reconnaît certaines célébrités comme la nièce du général de Gaulle, Geneviève Antonioz de Gaulle, Jacques Chaban-Delmas, Albert Jacquard, Marie-Madeleine Fourcade. Les témoins de la Défense leur succèdent. Le 17 juin, les plaidoiries des parties civiles commencent. Elles dureront 8 jours. Serge Klarsfeld, notre invité aujourd'hui, est le premier à prendre la parole. Sa plaidoirie se déroule en 2 temps. Son engagement personnel dans la traque de Barbie, puis le souvenir des disparus. Dans un silence de cathédrale, au nom de la mémoire des enfants d'Izieux, il entame une litanie. Il nomme un par un le nom des disparus d'Izieux. Je voudrais évoquer la mémoire de chacun de ces enfants dont je me suis attaché, après les avoir inscrits dans le mémorial de la déportation des Juifs de France, à reconstituer l'état civil et le douloureux itinéraire personnel, afin que le bourreau ou les falsificateurs de l'histoire ne puissent prétendre, comme cela a été ridiculement le cas pour le téléx d'Izieux, que ces enfants n'étaient pas authentiques ou que ces victimes n'étaient pas authentiques. Sami Adelsheimer n'avait que 5 ans. Il était né à Mannheim. Sa mère, Laura, avait été déportée le 20 novembre 1943, 9 convois avant le sien. Sami n'est pas revenu. Max Leiner était né lui aussi à Mannheim. Il avait 7 ans. Max n'est pas revenu. Les parents d'Otto Wertheimer ont été déportés le 17 août 1942, transférés par Vichy de la zone libre à Drancy en zone occupée. Il est resté seul, il avait 12 ans, il a été déporté sous la fausse identité d'Octave Vermet, Otto n'est pas revenu. Egon Gamiel avait 8 ans. Ses parents, Ernst et Gertrude, internés au camp d'Emile, livrés eux aussi au SS par Vichy, ont été déportés le 17 août 1942, Egon n'est pas revenu. Arnold Hirsch était le cousin des Gongamiel. Il venait d'avoir 17 ans et il était le plus âgé des 44 enfants. Ses parents, Max et Ida, ont connu le même camp, le même convoi et le même destin que ceux de son cousin. Arnold, lui, n'a pas été gazé à Auschwitz. Déporté par le convoi du 15 mai 1944 avec M. Zlatin, il a été fusillé en Estonie dans la forteresse de Reval. Arnold n'est pas revenu. Serge Klarsfeld poursuit sa plaidoirie en rendant un vibrant hommage à deux femmes, Ita Rosa Lautbrenner et Madame Benguigui. Ces deux femmes ont perdu chacune l'un de leurs enfants. Elles n'ont pas hésité à accompagner le couple Klarsfeld dans la traque de Klaus Barbie. Elles restaient des heures munies d'une simple pancarte, l'une à Munich, l'autre à La Paz. C'est au nom de ces deux femmes, des mères de disparus, que Serge Klarsfeld conclut sa plaidoirie. Par leurs vaillantes actions, elles ont tendu leurs mains à travers le temps à leurs enfants et elles ont aidé à les ramener à la lumière de la mémoire, à ce qu'ils deviennent avec tous les autres enfants d'Isieux un symbole de l'enfance juive martyrisée en France. En un temps maudit où pour la Gestapo, le fait d'être un enfant juif vous condamnait plus sûrement à la mort que toute action de résistance. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, depuis le 6 avril 1944, ces mères attendent que Barbie, qui s'est emparée de leurs enfants cachés au bout du monde dans un petit village de France, que Barbie, ramenée du bout du monde, de la cordillère des Andes, où il avait tenté d'échapper pour toujours aux conséquences de ses actes, que Barbie, qui n'a rien renié de ses convictions nazies et qui n'a exprimé aucun remords, aucun regret, que Barbie, conformément aux réquisitions que vous entendrez de Monsieur le Procureur Général, soit condamné à la peine qu'entraîne la gravité de ses crimes. Les avocats de la partie civile qui se succèdent s'inscrivent dans le même registre. Chacun met en avant les preuves et les faits à l'encontre de Klaus Barbie. Ils sont nombreux, indiscutables, et chacun évoque le nom de disparus et des survivants, pour l'histoire. Le 29 juin, le procureur général Pierre Truch, un homme remarquable, entame son réquisitoire. Il dure deux jours. Il explique la notion de crime contre l'humanité, puis reprend un par un les faits reprochés à Barbie à la tête de la section 4 de la Gestapo de Lyon. Il conclut par ces chiffres. 7532 personnes ont été détenues à Montluc, 2765 ont été déportées, les autres ont été fusillées ou ont disparu. Les déportés revenus sont aujourd'hui au nombre de 240. Alors au juré, Pierre Truch demande que Barbie soit reclue à vie. Le lendemain, la parole est à la défense. Désormais, aux côtés de Jacques Vergès, se trouve un avocat du barreau de Brazzaville et un du barreau d'Alger. Pour ce dernier, il s'agit de rassembler pour les photos aux côtés de Barbie le nazi, trois avocats nés, l'un en Asie, l'autre en Afrique noire, le troisième au Maghreb. Lors de sa plaidoirie, Jacques Vergès rappelle les crimes de l'armée française et des autres puissances alliées depuis la capitulation nazie. Pour honorer ses morts, victimes d'autres crimes, Vergès ne trouve rien de mieux que de demander la clémence pour l'accusé. Il n'aura aucun mot pour les victimes de Barbie qui, des jours durant, sont retournées sur leur terre de calvaire. Juillet 1987, jour du verdict. Comme le veut le droit, les derniers mots sont pour l'accusé. Le président lui demande alors... Monsieur Barbie, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Oui, monsieur le président. Quelques mots en français. Je n'ai pas commis la rafle des yeux. Je n'ai jamais le pouvoir de décider des déportations. J'ai combattu la résistance, que je respecte, avec dureté. Mais c'était la guerre, et la guerre, c'est fini. Merci. Après 6 heures de délibération, à 0h40, le samedi 4 juillet, les jurés répondent à toutes les questions, de la première jusqu'à la 340e. Concernant la culpabilité et les circonstances aggravantes, la réponse est oui. À la question 341 relative aux circonstances atténuantes, les jurés répondent non. Klaus Barbie est déclaré coupable des 17 crimes contre l'humanité dont il est accusé. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais la guerre n'est pas finie. Il faut désormais combattre les falsificateurs de l'histoire, ces assassins de la mémoire, comme le dit le titre d'un livre de Vidal Naquet contre le négationnisme. De ce point de vue, le procès Barbie fut une victoire historique. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le procès de Klaus Barbie. Notre invité, c'est donc Serge Klarsfeld. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Historien, avocat, je rappelle que vous étiez l'un des 39 avocats de la partie civile. En 1979, vous avez fondé l'association des fils et filles des déportés juifs de France, chargée de défendre la cause des descendants de déportés. Et c'est donc cette mémoire que vous avez portée lors de ce procès. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, tout simplement, vos mémoires, écrits à quatre mains avec votre épouse Beat Klarsfeld, qui était notre invitée hier pour nous raconter et revenir sur la traque de Klaus Barbie. J'ai fait pendant le récit ce que je ne fais jamais d'habitude, mais livrant mes souvenirs personnels, parce que quand on a assisté à ce moment historique, on s'en souvient toute sa vie, évidemment. Et quand on y a assisté comme vous, et qu'on était un personnage actif du procès, j'imagine qu'on s'en souvient. Quel est le souvenir là, que vous gardez de ces moments-là, de ces jours-là? Bon, le verdict, après le verdict, la nécessité de me rendre dans la nuit à pied au fort, à la prison Montluc, et puis d'être très soulagé et de penser à ceux qui avaient disparu et de me dire que ce qui était nécessaire avait été accompli, et voilà, c'était une page qui était tirée. C'était l'aboutissement aussi d'années d'efforts, hein, de vos efforts personnels et de ceux de votre épouse, et puis d'autres bonnes volontés. Bien entendu, nous avions commencé en 1971. Cela s'inscrivait dans le cadre d'un combat contre l'impunité des criminels allemands qui avaient opéré en France et qui étaient impunis en Allemagne. Les chefs de Barbie en particulier. Et bon, c'est 16 années de, disons, d'un combat qui était très différent de celui de l'Allemagne. L'Allemagne, on vivait avec l'Allemagne. Mmh. C'était donc prioritaire. Et les criminels en Allemagne étaient respectables, avaient des positions importantes comme magistrats, avocats, hauts fonctionnaires, hommes d'affaires. Et Barbie, lui, il était au bout du monde. C'était un criminel selon le mythe du criminel nazi dans les romans et dans les films. Il est parti au bout du monde et il continue son œuvre néfaste au bout du monde. Pour nous, c'était plus important ce qui se passait en Allemagne que ce qui se passait en Bolivie, parce qu'on ne vivait pas avec la Bolivie. Mais à partir du moment où nous avons révélé que Klaus Barbie vivait en Bolivie, enfin au Pérou d'ailleurs, que nous l'avons retrouvé, il était au Pérou et pas en Bolivie, eh bien, il fallait aboutir, c'est-à-dire qu'un bras de fer commençait entre un criminel très connu, parce que il était un cadre régional de la Gestapo, mais il a torturé à mort le chef de la résistance intérieure, Jean Moulin. Et il a commis cette rafle d'Izieux, qui était donc, comme je l'ai dit dans la plaidoirie, un village au bout du monde aussi, dans la montagne au-dessus du Rhône. Et il est allé chercher ses enfants pour les déporter. Alors il dit, je n'ai pas fait la rafle d'Izieux, mais il l'a ordonné, s'il n'y était pas. Mmh. Et arrêter les enfants signifiait leur mort, puisque une fois arrêtés, ils étaient déportés. C'était un criminel symbolique, le criminel le plus connu. Voilà, à la fois symbolique France, et réel. Et réel. Donc il fallait essayer d'obtenir sa comparution devant les tribunaux. Et nous nous sommes attachés à cela, effectivement, comme Béat l'a raconté. Puisqu'elle l'a raconté hier, pardon. On ne va pas revenir là-dessus. Non. Et comme on n'a pas énormément de temps. On a eu le procès, voilà le procès. Alors le procès dans ses différentes phases, il y a l'instruction. Donc l'instruction, là, il faut que la justice rencontre l'histoire. C'est pas toujours facile, ça. Comment vous êtes dépatouillé de tout ça? Parce qu'il y a eu des débats. Il y a fallait les documents. Les documents, bon, je les avais trouvés, les documents, bien avant. Donc, je les ai communiqués à la justice. Bon, j'ai coopéré avec la justice avant, même 1983, avant le retour de Barbie. Puis, il fallait retrouver le document essentiel, l'original. J'avais, bien entendu, des duplicata de ce Telex d'Izieux qui avait été produit au procès de Nuremberg comme preuve de la barbarie nazie en France, et qui a été authentifié à la fois à Nuremberg, aux archives de la Cour internationale de justice, aux archives de Washington. Mais il valait mieux retrouver l'original. Oui. Et j'ai eu un feu vert du président de la République pour chercher partout, et j'ai finalement retrouvé dans les caves de notre centre de documentation juive contemporaine, dans un dossier que Léon Poliakov, probablement, a présenté au juge d'instruction du procès à Betz, qui était l'ambassadeur d'Allemagne à l'époque, pour justifier justement de cette barbarie nazie. Et puis, en revenant, il n'a pas dû remettre le document à sa place, et le document était dans le dossier à Betz, dans la cave, et bon, je l'ai retrouvé là, et heureusement que je l'ai retrouvé, voilà. Alors, il y a effectivement, donc, Barbie est arrêté, ça y est, on le tient, on le juge, il y a les documents. Sauf que Barbie décide de pas rester au procès. Bah, c'est Jacques Vergès qui lui... C'est manœuvre, c'est quoi ? Moi, je dis que c'est Vergès qui l'a... D'abord, je pense que Barbie... Vergès, c'était pas l'avocat de Barbie, c'était Barbie le client de Vergès. C'est-à-dire que, bon, à mon avis, il l'a payé pour pouvoir l'avoir comme client. Mmh. Et puis, parce qu'il savait que ça attirait la lumière, les projecteurs sur lui. Et puis, pendant le procès, il s'est rendu compte, pendant l'instruction, que la vedette, ce serait Barbie. Et lui voulait être la vedette. Donc, il a remis Barbie en cellule, alors que Barbie aurait été un bien meilleur avocat pour se défendre que Vergès. Vous avez entendu, vous l'avez dit tout à l'heure, Vergès reste sans voix devant les témoins. Tandis que Barbie, lui, dans les confrontation, ne restait pas sans voix, il posait des questions. C'était son métier, il était policier en Allemagne, policier en Hollande, policier en France, et policier également politique en Bolivie. Donc, il savait interroger et mettre les témoins leur faire perdre leur sang-froid, parce que les témoins se retrouvaient en face d'un Barbie qui avait la même latitude pour parler et pour poser les questions qu'en 1943, sauf qu'il ne pouvait plus pratiquer la torture. Oui, mais la torture par la parole. Oui, mais est-ce que ça a libéré la parole, le fait qu'il soit pas là? L'absence de Barbie, moi j'étais pratiquement le seul parmi les avocats à me réjouir du départ de Barbie, ça a simplifié énormément le procès. Les témoins ne perdraient pas leur sang-froid, et les témoins ont été, je dirais, la contribution majeure du procès. Ça a été la haute tenue, la qualité des témoins, et je n'oublierai jamais Madame Lise Le Sèvre qu'on a entendue et qui a tellement souffert, et dont le témoignage était pur comme on ne peut même pas l'imaginer. Donc Vergès n'a pas rendu service à Barbie, mais je pense que il se moquait au fond du sort de Barbie aussi, parce alors, que et il s'en moquait, mais il avait des arguments qui étaient on va l'écouter juste quelques secondes. On l'a pas entendu, on va écouter ses arguments, on en parle après. Klaus Allemann se rend compte qu'il est en France illégalement, qu'il a été vendu par des Judas qui régnaient à l'époque à La Paz et acheté par des corrupteurs qui régnaient à Paris. Il a pour les auteurs de ce marché le plus grand mépris, c'est tout ce que je peux vous dire, et ce mépris je le partage. A-t-il aussi pour ses victimes le même mépris ? Il n'a pas de mépris pour ses victimes, pour la bonne raison que ses prétendues victimes ne sont pas passées par ses mains. Madame Lagrange, torturée pendant 5 jours par Klaus Barbie, qui l'a reconnu formellement, qui a mis 10 jours pour le reconnaître, vous pensez que ce témoignage est répétitif et ennuyeux, et faux ? Vous parlez du témoignage de Madame Lagrange, et je vous réponds tout de suite, est-ce normal dans un procès d'avoir entendu dans les médias le témoignage de quelqu'un qui accuse et de n'avoir pas entendu l'accusé? C'est la conception de la justice qui règne dans cette affaire, c'est une conception méprisable. Bon, qu'est-ce qu'on en dit tant d'années après de ce qu'on entend là? Oh, ben, Vergès était provocant, mais ses arguments ne portaient pas, et je me souviens notamment de ce Telex d'Isieux lorsqu'il a été présenté, et les arguments de Vergès. Il y avait des journalistes qui les prenaient en considération, mais un membre du jury m'a dit, après le verdict, avec ce Telex, il a voulu nous prendre pour des cons. Voilà, quel était le mot. Je crois que ça ne portait pas. Bon, le procès était un acte absolument indispensable, mais l'issue était connue pratiquement à l'avance. Barbie était coupable. Il ne pouvait pas, comment dire, trouver un autre coupable que lui à l'intérieur de la Gestapo. Il y avait les témoignages aussi de ses complices, de ses subordonnés, qui avaient mis en lumière sa personnalité, sa compétence et sa brutalité. Il n'y avait pas de problème. C'était un procès qu'il fallait faire, qu'il fallait donner à la défense toutes les armes pour pouvoir défendre Barbie, pour que le procès soit un procès fair-play, exemplaire. Bon, le procès a été exemplaire, et c'est normal que dans un crime contre l'humanité, il y ait 40 avocats d'un côté et un coupable de l'autre, puisque un crime contre l'humanité, c'est un crime massif, et bon, quand il y a crime massif, il y a des ayants droit qui réclament la justice. Bon, moi j'ai gardé un souvenir d'un procès qui n'a pas posé de difficultés majeures. Sinon, le fait qu'il y avait 40 avocats, que ça fait un peu de diversité, mais cette diversité était naturelle. Et dans les autres procès pour crimes contre l'humanité, où il y avait beaucoup d'avocats, le procès Papon, par exemple, il y a eu aussi de la diversité. Alors, crimes contre l'humanité, justement, rappelons-le, une notion qu'il fallait inventer ou réinventer, parce que les crimes qu'avait commis Klaus Barbie par rapport au délai de prescription étaient prescriptibles, ça. Donc il fallait qu'ils deviennent imprescriptibles, hein, c'est ça le crime. Oui, bah, c'est la loi de. On le rappelle quand même aux auditeurs. Votée en 1964, et puis il y a eu en 1985 l'interprétation de la Cour de cassation, de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, de ce qu'est un crime contre l'humanité, c'est-à-dire qui est apte à être partie civile, et puisque ce n'était pas seulement les victimes juives, mais également les victimes de la résistance. C'est une conception élargie à partir d'une conception qui ne retenait en principe, selon le procureur général de Lyon, qui ne retenait que les victimes juives au départ. Alors nous l'avons entendu lors de ces récits, votre plaidoirie était un moment important du procès. Quel souvenir personnel en gardez-vous? Comment ça s'est passé? Ben, la responsabilité d'avoir du tact, c'est-à-dire de savoir de quoi il faut parler dans une plaidoirie. Surtout que j'étais le premier à parler. Et comme je parlais au nom des enfants d'Isieux, surtout, je représentais une centaine de parties civiles, j'ai décidé de ne parler que des enfants d'Isieux et de les citer un par un pour qu'ils soient dans la salle d'audience. Et je l'ai fait, d'ailleurs, grâce à mon fils qui était à côté de moi dans un café à Bordeaux, à Lyon, et il m'a dit, ajoute, il n'est pas revenu. Eh bien, j'ai ajouté, il n'est pas revenu. Et effectivement, c'était une façon d'amener beaucoup d'émotions dans la salle. Et quand j'ai terminé, Vergès est venu, a voulu me serrer la main. Il m'a dit, il n'y a que toi et moi dans ce procès. Et je n'ai pas voulu lui serrer la main parce qu'il était un ennemi. Il l'a bien montré dans cette plaidoirie ignoble où il a stigmatisé, il a sali toutes ces héroïnes de la résistance. Il les a salies d'une façon impardonnable. Alors, le 4 juillet, Klaus Barbie donc, est condamné à perpétuité. Il meurt le 25 septembre 1991, donc 4 ans après. Qu'est-ce que vous ressentez quand il meurt? Est-ce que vous avez, si j'ose dire, la conscience tranquille? Enfin, vous personnellement, mais la conscience des victimes est tranquille parce que il est mort, mais il est mort en prison. Il est mort, il a été jugé. C'était ça aussi la grande victoire de ce procès. Je dirais que les victimes, personne ne m'a demandé dans quelles conditions, après sa condamnation, dans quelles conditions il vit. Oui. Les gens ne s'y intéressaient pas. L'acte de la justice était pour eux primordial. Et puis, les principaux témoins et acteurs, on peut dire, les mères Courage, dont vous avez parlé, Madame Alain Brenner, Madame Benguigui, sont mortes tout de suite après. Léa Feldblum, la seule survivante de la rafle d'Izieux, est morte tout de suite après. Docteur Reifmann est mort tout de suite après. Comme un symbole. Ils attendaient, ils ont tenu bon jusqu'à ce que le procès ait lieu, parce qu'ils se rendaient compte de l'importance de leur témoignage. Et puis après, ils ont lâché. Ils avaient la conscience tranquille. Et d'ailleurs, Barbie avait perdu son épouse, il avait perdu son fils sous ses propres yeux dans un accident de deltaplane. Et s'il n'avait pas été arrêté, il serait mort avant, parce qu'il était sous surveillance médicale, était très bien traité à Lyon, et donc il a vécu plus longtemps qu'il n'aurait vécu s'il n'avait pas été arrêté. Donc les victimes n'avaient pas à avoir une conscience lourde de voir Barbie mourir en prison. Est-ce qu'en tant qu'avocat de la partie civile, vous avez été amené à voir Barbie dans les confrontations? Il voulait me parler, mais je ne voulais pas lui parler, parce que il y a toujours des points communs entre des hommes, et donc lui parler, c'était banaliser lui parler, sauf pour l'interrogatoire, c'était banaliser. Pour moi, c'était pas l'homme que je voyais, c'était les crimes qu'il avait commis. Mais lui, il savait qui vous étiez, parfaitement. Ah ben, tout à fait, il voulait justement me parler, mais moi, je ne voulais absolument pas lui parler. Donc ça montre bien ce que vous dites, Barbie, il est mort, c'est vraiment plus le procès pour l'histoire, et d'un moment de l'histoire, que le procès de Barbie, on est bien d'accord. C'est aussi le procès de Barbie, aussi. Oui. Pas seulement d'histoire, l'histoire moins que de justice. Justice puisqu'il était au bout du monde et que on l'a rattrapé et que on l'a ramené 40 ans après. Donc c'est au bout du temps également, 40 ans, et il se retrouve sur les lieux de ses crimes. C'est la conception même que les gens ont de la justice. Comme dans tous les poèmes et tout, le criminel revient sur les lieux de ses crimes de force, et il est jugé sur les lieux de ses crimes, et il doit payer pour ses crimes. Alors, parmi les victimes de Barbie, certaines ont été dénoncées par d'autres Français, arrêtées par des Français. C'est le drame de la collaboration. Et plusieurs présidents de la Ve République, tour à tour, ont considéré que c'était, non pas une parenthèse, le mot serait pas adapté, mais un espace à part de la démocratie, de la République française, que c'était pas la France, jusqu'au jour où un autre président, qui s'appelle Jacques Chirac, a dit, mais si, c'est la France, c'est sa responsabilité, c'est son histoire, et elle doit l'assumer. On va réécouter les paroles de Jacques Chirac. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. On verra des scènes atroces, des familles déchirées, les mères séparées de leurs enfants, les aînés, dont certains anciens combattants de la Grande Guerre avaient versé leur sang pour la France, jetés sans ménagement dans les bus parisiens et les fourgons de l'État, de la préfecture de police. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau. Voilà, qu'avez-vous ressenti quand vous avez entendu ce discours de Jacques Chirac? C'était un peu comme si je parlais moi-même. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on attendait d'un président de la République qui succédait à François Mitterrand, qui lui en était resté à l'autorité de fait dite gouvernement de l'État français. Chirac, c'est la rupture courageuse avec De Gaulle et avec Mitterrand. Alors, je ne sais pas si c'est le discours de Chirac qui a amené au procès de Maurice Papon. Enfin, bon, il y a un lien. Donc, Maurice Papon, personnage noir de l'histoire française, qui a été jugé, condamné. Et alors, votre fils, Arnaud Klarsfeld, avocat également, a enfilé la robe noire des partis civils contre Papon. C'est une transmission, ça. Oui, c'est une transmission. Et d'ailleurs, il nous est arrivé pendant toute l'audience de faire retentir le discours de Jacques Chirac à l'extérieur, quand des témoins archéo-gaullistes qui venaient dénonçaient le discours de Jacques Chirac dans l'enceinte du palais de justice. Bon, le procès était un procès très dur pour nous parce que nous souhaitions une peine graduée, estimant que Maurice Papon n'avait pas l'impulsion criminelle, la volonté criminelle qu'on retrouvait chez Barbie, qu'on retrouvait chez Touvier, et qu'il fallait une peine graduée, et qu'on ne pouvait pas, pour tous les rouages de la solution finale, imposer la peine suprême, qui n'est plus la peine de mort, mais qui est la peine de réclusion à perpétuité, on ne pouvait pas l'imposer. Donc, on a tout le temps milité pour la vérité du dossier, la vérité de Maurice Papon et 10 années de prison qui, finalement, alors que nous avons nous-mêmes été attaqués par la défense, par la présidence du tribunal, par toutes les parties civiles pratiquement, eh bien, le jury a donné 10 années de prison. Ce sera le dernier mot, Serge Klarsfeld, car il me faut préciser, c'est important, que les documents sonores que nous avons diffusés tout au long du récit sont extraits du DVD intitulé Le procès Barbie, coédité par l'INA et Arte avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et du ministère de la Défense. Il me reste aussi, bien sûr, Serge Klarsfeld, à vous remercier d'être venu nous voir dans Affaires Sensibles. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.